Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Prêt à me satisfaire de tout, dans l'étrangeté de notre approche, de loin, j'aurais cru que vous vous approchiez de moi. De loin, j'aurais eu l'impression que vous me regardiez. Alors je me serais approché de vous. Nanterre. Je vous aurais regardé. Théâtre des Amandiers, années 80. Un metteur en scène rencontre un auteur. Avec le recul du temps, on s'apercevra que Patrice Chéreau et Bernard-Marie Goltès sont aussi grands que l'ont été les plus grands hommes de théâtre. Querelle de Cid, Bataille d'Hernani, les classiques et les romantiques ont procédé par rupture. Eux aussi à leur façon. Patrice Chéreau décide en 1980 de se fixer dans un lieu où rassembler des énergies jusqu'ici dispersées. Depuis ses premières mises en scène au lycée Louis-le-Grand à 20 ans, il a beaucoup voyagé. Le théâtre de Sartrouville, avec les soldats de Lens, Richard III à Marseille, l'Italienne à Alger, opéra monté au festival de Spalette en Italie, où il prend la direction du Piccolo Teatro de Milan. Puis, avec Roger Planchon à Villeurbanne, il connaît ensuite une nouvelle notoriété mondiale à Bayreuth, avec Pierre Boulez, pour le centenaire du festival, en montant le ring, qui suscite une vraie polémique, puis un enthousiasme rafraîchissant. À la seconde où j'ai compris que derrière tout ça, il y avait quelqu'un qui organisait le tout, je me suis dit, je serais cette personne-là. Avec Catherine Tasca, il veut créer un nouveau lieu de théâtre, disposer les spectateurs différemment, ouvrir une école, qu'il appelle atelier permanent, et faire en même temps un plateau de cinéma pour pouvoir travailler. Travailler. Le mot qui a guidé toute sa vie, jusqu'à sa mort en 2013, Chéreau ou l'exigence. Au départ, il n'y avait pas le texte. Au départ, je voulais faire des images. Au départ, je faisais des gouaches dans l'atelier de mon père où je regardais, je décidais les mises en place et je faisais. Et après, je les amenais aux acteurs en disant, voilà, c'est ça qu'on va faire. Ce qui a été récent, le texte. Ça a commencé avec Marivaux, mais le choc le plus... Oui, là où j'ai compris l'importance, non seulement l'importance du texte, mais l'importance de la réflexion qu'on a sur le texte, c'est avec Goltès. Bernard-Marie Goltès a une trentaine d'années, en 1980. Il a déjà écrit une douzaine de pièces de théâtre. À 20 ans, il a vu Maria Cazares dans Médée. Il décide de devenir acteur. Il entre au Théâtre National de Strasbourg et écrit sa première pièce, Les Amateurs. Goltès voyage en Amérique latine, en Afrique, à New York. Le monologue le fascine, pas les dialogues. Et en 1977, avec La nuit juste avant les forêts, monté au Festival d'Avignon, il s'attache à approfondir la communication entre les hommes, la solitude, le silence et la mort. Il met en scène un soliloque de jeune homme errant dans la nuit, débarquant, marginal, sans travail, cherchant une chambre pour dormir. Je suis rentré au TNS comme élève régisseur, mais en fait, c'était pour être dans un théâtre. Mais alors, vous avez donc écrit à Chéreau et vous lui avez dit, cher monsieur... Oui, j'ai écrit une pièce, j'aimerais que ce soit vous. Je l'écris pour vous, pour que vous la montiez, ah. En fait, et puis ça s'est fait. Dans la solitude des champs de coton, Chéreau a la certitude d'avoir rencontré un auteur majeur qui lui correspond parfaitement. Les hommes sont seuls, nègres ou chiens, et se combattent dans des situations économiques et sociales qui les définissent. Ils se livrent à des commerces. Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir, dit le dealer. Ce sont les premiers mots de la pièce. Chéreau adopte Goltès, dont il sait qu'il apporte au théâtre et à l'écriture théâtrale une forme inédite. La densité du texte, sa qualité littéraire, autant que les situations des personnages, dans des lieux improbables, sont un défi pour le metteur en scène. Chéreau les monte les unes après les autres, à partir de 1983. La mort prématurée de Goltès, cette catastrophe, en 1989, nous a privés d'une œuvre qui aurait été sans nul doute encore exceptionnelle. Celle de Chéreau en 2013 également, même s'il était plus âgé. Mais leur rencontre, dans les années 80, a illuminé la scène française et mondiale d'une vérité des êtres qui a fait date dans l'histoire de théâtre. François Regnault qui les a accompagnés parle d'eux comme des passants. Ils sont passés et ont eu la vie de leur art. ils sont passés.